Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, d'attention aux armes tueuses. Je rappelle à tous que la conférence est disponible sur cassette audio. Au moment de la pause, vous pouvez commander celle de la première partie. Donc, j'aimerais qu'on accueille sans plus tarder M. Daniel Kemp, le conférencier. Commence pas avec est-ce qu'il y a des dangers. Non. Est-ce possible? On dit attention aux armes tueuses. Ça, c'est bien le titre, là, je vérifie. Je pensais que l'arme, c'était la vie. Comment l'arme peut-elle tuer? Exactement, l'arme, c'est la vie et ça a besoin de vie. Alors, lorsque ça récupère la vie quelque part, ça laisse la mort. L'arme, ça tue, si ça peut tuer, ça tue quoi? Une autre arme? Non. D'accord. Qu'est-ce que ça tue? Ça tue le véhicule. Ça tue la possibilité que l'intelligence de s'exprimer dans la matière. Ça tue l'expérience matérielle de l'intelligence. Ça tue la capacité évolutive que peut posséder la matière lorsqu'elle est intelligencée par de l'esprit ou par de l'énergie supramentale, par de l'intelligence. Ça tue l'homme. Est-ce que ça tue le véhicule ou le corps physique de quelqu'un d'autre ou de son propre véhicule? Normalement, une arme tueuse détruit le véhicule qu'elle habite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le corps physique se suicide? Ou si elle va faire tuer quelqu'un? Ça dépend. Des fois, est-ce qu'elle peut influencer un tueur? Est-ce que l'arme peut influencer quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre ou influencer quelqu'un à se tuer? Il y a plusieurs sortes d'armes. Il y a les armes tueuses, il y a les armes qui amènent à la violence, il y a des armes qui amènent à la dépression, mais qui te laissent la vie. Ce ne sont pas des armes tueuses, ce sont des armes dépressives. L'arme tueuse elle-même rarement va manipuler un individu pour qu'il ait tué quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus les armes violentes qui vont faire ça. Par contre, une arme tueuse peut le faire si c'est un suicide extérieur, c'est-à-dire un hétérosuicide, c'est-à-dire que c'est une personne qui va suicider quelqu'un d'autre. On appelle ça un meurtre en justice. Oui, c'est parce que la justice, enfin justice. Façon de parler. Disons dans les livres légaux. Donc, le sujet de la conférence de ce soir, les armes tueuses, ça s'applique plus particulièrement à une arme qui tue son propre véhicule, d'accord, dans lequel elle habite. Ça s'applique à l'humain, c'est-à-dire que chez toi, il y a différentes choses, comme chez tous les humains de la planète. Il y a l'homme, la femme, l'enfant, qui peut être vu dans sa partie globale, c'est-à-dire qui peut être vu comme étant une pluralisation, une constitution pluralitaire d'un corps physique, d'un corps vital, d'un corps astral, là où on va retrouver l'âme, de la mémoire, des désirs, de l'émotion, d'un corps mental et d'un contact avec l'intelligence supramentale. Si on considère l'humain comme étant ce phénomène global, l'âme est une partie virale, une maladie de l'évolution. C'est un résultat, un excrément de l'involution qui, conservant la mémoire de l'involution, c'est-à-dire conservant la mémoire de sa provenance, et dans le contexte de l'âme, on va appeler cela la création, conservant la mémoire de sa création, elle devient l'un des piliers sur lequel va être restructuré le retour en arrière, que l'humain appelle aussi l'évolution, c'est-à-dire le retour aux sources. Étant donné que l'âme sert de pilier pour restructurer un retour vers l'arrière, l'âme, c'est la mémoire du chemin parcouru. Pour reparcourir le chemin, l'âme va être ce qui, dès le début, va projeter l'événement de la matière en direction du point source, c'est-à-dire de la création, de là d'où apparemment l'homme vient. Et parce que l'âme devient le pilier de ce retour, de cette évolution, elle devient en même temps un problème, c'est-à-dire que la mémoire de l'âme, pour juste clarifier, comprenons que nous faisons un trajet dans la création, l'humain appelle cela une chute, ça c'est l'idée de l'âme. Cette mémoire, la mémoire de cette chute est quelque chose. Maintenant, nous devons regober ce que nous avons laissé, tout en amenant avec nous l'événement. C'est-à-dire que l'homme doit détruire le temps et l'espace, l'homme conserve dans sa mémoire, sous forme d'énergie, et non pas sous forme d'information, donc il ne peut pas se servir de cette énergie mémorisée, comme il se servira de sa mémoire en disant « Hier, j'ai été au magasin », il se servira simplement de l'énergie emmagasinée en étant muté du point de vue de la conscience, en étant muté du point de vue du corps physique et du point de vue des structures d'évolution. L'âme se rappelle donc le chemin jusqu'à maintenant, et parce que maintenant l'âme sert de pilier pour nous rediriger vers là d'où nous sommes venus, l'âme se rappelle en même temps du retour. Et c'est là le problème. L'âme se rappelant la chute, elle se rappelle la chute, donc elle place des hiérarchies au-dessus d'elle. Elle place des dieux, elle place des archanges, elle place des anges, elle place des guides, elle place des maîtres, elle place des extraterrestres, elle place des hiérarchies. Étant donné que l'âme qui est de la mémoire se rappelle maintenant, et c'est la problématique, non pas seulement de son chemin jusqu'à maintenant, mais du retour, elle finit par conserver dans sa conscience mémorielle l'idée que c'est elle maintenant qui est en phase d'évolution. Parce qu'elle se rappelle maintenant d'une amélioration à sa condition et non pas uniquement une dévaluation de sa condition, ce qu'elle appelait la chute. Bon. Étant donné que l'âme maintenant se rappelle l'évolution, elle essaie de gober, c'est-à-dire qu'elle essaie de forcer la cristallisation mémorielle de l'expérience évolutive de l'humain, c'est-à-dire que l'âme essaie de forcer la conservation sous forme d'information de son évolution. Autrement dit, au lieu de transmuter l'énergie événementielle, c'est-à-dire l'évolution expérientielle de l'humain sur la planète, c'est-à-dire l'évolution de l'âme, au lieu de conserver en énergie l'évolution de l'âme, l'âme essaie de la conserver en historicité, c'est-à-dire que l'âme essaie de la conserver en histoire, en mémoire, en nostalgie. Donc, lorsque tu as eu un corps jeune, lorsque tu, disons, as été jeune, ce qui est faux, mais dans l'âme, dans la conscience de l'âme, c'est une réalité, lorsque tu as été jeune, tu as accumulé de l'énergie, de l'expérience, tu as mangé du temps. Mangeant du temps, tu t'es déplacé vers ce que tu appelais à l'époque le futur. Et aujourd'hui, tu es dans ton présent, une partie du futur de 20 ans. Sauf qu'au lieu de conserver en énergie de puissance l'information du temps et de l'espace sur lequel tu t'es déplacé, tu vas appeler cela le vieillissement jusqu'à maintenant, au lieu de conserver cela uniquement en énergie, pour transmuter l'homme en Dieu, l'ego, l'âme, l'ego c'est le centre contrôleur de l'âme, l'âme va tout faire pour conserver l'information énergétique en information formique. C'est-à-dire que l'âme, au lieu de laisser digérer l'énergie pour que tu ne vieillisses pas, pour que tu ne dépérisses pas, pour que tu ne meurs pas finalement, l'âme va conserver l'information énergétique en nourriture et elle va la conserver en nostalgie, elle va la conserver en forme. Alors tu pourras te rappeler ce que tu as fait, des choses que tu as vécues, des émotions que tu as eues, des peurs que tu as eues, aller jusqu'à aujourd'hui. Quel est le but de pourquoi l'âme fait-elle ça? C'est-à-dire nous empêche de s'énergiser, d'énergiser ce qu'on a vécu et nous laisse en mémoire les motifs. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, l'âme ne voudra pas empêcher ton énergification ni ton énergisation. Par contre, lorsque l'âme finit par devenir suffisamment consciente que le chemin qu'elle suit est un chemin où, à un moment donné, la conscience qui habite l'âme ne vivra plus de mémoire, mais uniquement d'instantané, l'âme décode que son rôle approche de sa fin. L'âme étant de la mémoire et que prochainement l'humain ne vivra plus de mémoire, nécessairement l'âme devra totalement éclater, c'est-à-dire que l'âme devra être transmutée en double éthérique qui va immortaliser la conscience lucide de l'humain, alors que présentement la conscience lucide de l'homme, de la femme et de l'enfant est totalement mortelle, c'est-à-dire que lorsque le corps physique n'est plus capable de soutenir le poids de l'âme, les conditions de conscience mémorielle astrale, ainsi que les vestiges mémoriels des consciences mentales, gagnent le monde de la mort, le ciel, et sont dissoutes à travers ce qui est déjà là. Dans les conférences précédentes, j'ai déjà dit que l'âme n'était qu'une accumulation de mémoire. Est-ce que l'accumulation de ces mémoires-là peut projeter le futur puis savoir que ça va lui arriver? Comment elle fait pour savoir qu'un jour elle va être un double éthérique, sinon qu'on en informe de l'extérieur? Bon, exactement. On doit informer l'âme qu'elle va devenir un double éthérique, sauf que l'âme ne fonctionne qu'à partir d'expérience. L'âme est un facteur chez l'humain qui recherche un Dieu. Le Dieu, c'est le mental de l'âme dans la plus basse expression. Le Dieu, c'est le plan supramental de l'âme, c'est l'esprit qui peut toucher la conscience de l'âme par le biais d'un ajusteur de pensée. Chaque fois que je parle à un humain, on peut parler à son mental, on peut parler à son esprit, donc à Dieu, et on peut parler à l'âme, donc à la créature. L'être humain, présentement, est investi de deux sources. L'être humain qui 99% des habitants de la planète Terre sont investis d'une source majeure qui va être l'arme, à l'intérieur desquelles on verra des armes tueuses, des armes belligérantes, des armes dépressives, des armes voleuses et d'autres formes d'armes. Et il y a une partie de l'hémisphère nord de cette planète qui supporte des êtres humains, des corps physiques, qui sont capables d'être en contact avec deux formes de conscience, la conscience astralisée, traditionnelle, héréditaire, historique du passé, la conscience astrale de l'âme, et aussi une conscience neuve, une conscience supramentale, une conscience qui ouvre un horizon vers le neuf, vers, non pas l'avenir, mais vers l'absolu. Étant donné que l'absolu n'est pas expérimenté par l'âme, l'âme considère donc qu'elle l'expérimentera plus tard, donc pour l'âme, l'absolu équivaut à être de l'avenir. Donc, l'humain, présentement du point de vue de l'âme, l'humain qui a une conscience supramentale s'ouvre donc vers l'avenir. C'est une vision astrale, une vision spirituelle de la chose, parce que l'humain s'ouvre vers l'absolu, donc vers l'instantané et non pas vers l'avenir. Étant donné que l'âme, maintenant, est informée chez ces individus de la possibilité, premièrement, d'anégoïsation, c'est-à-dire de destruction du facteur de l'ego, donc destruction de l'égocentricité, de l'orgueil, cela veut dire humilisation totale de l'homme, des conditions évolutives spirituelles de l'homme. Ce n'est pas une fausse, une modestie où tu es modeste et tu t'en vantes. C'est une modestie que l'âme ignore. Parce que lorsque l'ego est au courant qu'il est modeste, immédiatement, il ne peut plus être modeste. Lorsque l'ego est modeste, l'ego ne le sait pas. Et parce qu'il ne le sait pas, sa modestie devient absolue. Maintenant, pour qu'un ego ait une modestie absolue, pour que l'ego ne sache pas qu'il est modeste, il faut qu'il n'y ait plus d'ego. Donc, on parle d'anégoïsation. Étant donné que dans le facteur d'évolution, et c'est là l'importance de la conférence, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui l'écoutent et qui ne sont pas ici, et donc ceux qui vont écouter les cassettes, l'importance, c'est que lorsque l'humain est en phase de conscientisation, lorsque l'humain est conscientisable, alors il a une plus grande capacité à se faire investir d'une âme tueuse. L'âme tueuse, premièrement, c'est un phénomène astral qui s'est alimenté à travers les mortalités, à travers la quantité de gens qui, à un moment donné, se sont laissés mourir, soit suite à des blessures, soit suite à des maladies, suite à des abandons émotifs. Et lentement, cela crée des âmes qui se nourrissent de l'expérience de la mort d'un corps physique, mais de la mort d'un corps physique qu'elles habitent. De la mort voulue. Exact. Donc, autrement dit, on peut dire que l'âme se nourrit de son propre suicide. Mais elle, c'est le suicide du corps physique. Mais elle ne va pas justement mourir au même moment où elle va faire suicider son corps physique? C'est qu'une âme ne meurt jamais. La conscience de l'homme a l'impression de mourir parce que la conscience de l'homme sait. Ce n'est pas conscient, mais sa conscience le sait d'une façon rejetée, d'une façon négativisée, que lorsque le corps physique sera disparu, la conscience de l'homme ne pourra plus s'exprimer dans la vie, donc ne pourra pas s'exprimer dans un corps physique. Ne pouvant s'exprimer, il ne pourra conserver la conscience de son existence. Autrement dit, la conscience de l'homme sait que lorsque le corps physique meurt, elle s'oublie. S'oubliant, elle ne sait plus qu'elle existe. Ne sachant plus qu'elle existe, pour elle, elle n'existe plus. Et c'est ce qu'elle appelle la mort. Mais là, l'âme tueuse, dans le monde de la mort, premièrement, les choses, les constituants astraux d'un être humain qui meurt, lorsqu'un être humain meurt, son âme, entourée d'une enveloppe, le périsprit, un séraphin, lorsque c'est très évolué, mais un périsprit à l'époque animale humaine, gagne le plan moronciel, qui est le monde de la vie, sans corps physique. Le monde où on peut réanimer un corps physique, l'âme revient et la personne revient à elle. Elle va gagner ce monde, lentement, elle va rejoindre le ciel, le monde de la mort, où le périsprit ne peut pénétrer. Ne pénétrant pas, il libère les constituants de l'âme. Les constituants sont dissous, digérés comme le corps physique l'est, c'est-à-dire pourrissent dans le monde de la mort, et c'est pourquoi l'individu perd sa conscience. Lorsqu'il se réincarne, il ne sait pas qui il a été, parce que finalement, il a été un paquet de choses. Maintenant, dans l'âme tueuse, comme le reste des phénomènes astraux dans le monde de la mort, se soudent en fonction de leur constitution. Autrement dit, il y a une loi théologique catholique qui dit que au ciel, tu vas retrouver ce que tu as connu et aimé, et pour l'éternité. Effectivement, tu te dilapides en morceaux, et chaque morceau se soude à des morceaux similaires. Les âmes tueuses, ce sont des âmes qui expérimentent la destruction du corps physique qu'elles possèdent. Donc, on parle de suicide. Maintenant, il n'y a pas de suicide sur la planète, c'est uniquement des meurtres qui proviennent du monde de la mort. L'humain qui se suicide est un humain qui a été tué. On l'a tué. Il ne s'est pas consciemment suicidé. Comment physiquement l'âme peut-elle tuer un corps physique? Pas si facile. Elle peut mettre un corps physique en colère, elle peut le faire bander lorsqu'il voit quelque chose, elle peut lui donner de l'appétit, elle peut le faire courir, elle peut lui faire faire n'importe quoi. Alors, le faire mourir, c'est extrêmement facile. Mais on va y revenir. Parce que c'est de toute façon, là, le problème, c'est qu'on doit être suffisamment lucidement conscient pour qu'une arme tueuse ne puisse pas nous pénétrer. Lorsque l'âme, donc, expérimente ce phénomène, elle tue le corps physique et elle gagne le monde de la mort. Dans le monde de la mort, l'expérience de l'âme tueuse va simplement aller rechercher les autres expériences d'autres âmes tueuses. Ça va se regrouper en famille, la même catégorie d'âmes avec les autres. Ça crée une âme tueuse de plus en plus puissante. Donc, elle a intérêt à suicider des corps physiques sur le plan planétaire, de façon à créer une nourriture, c'est-à-dire une expérience mémorielle et émotive, qui, dans le monde de la mort, vient s'incruster à elle, vient s'agglomérer à elle, l'agrandissant. Donc, plus il y a d'âmes tueuses, plus il y a de suicides, et plus il y a de suicides, plus il y aura d'âmes tueuses, et plus il y a d'âmes tueuses, plus il y aura de suicides. Jusqu'au jour où il n'y aura plus suffisamment de corps qui accepteront les âmes tueuses. Qu'est-ce qui va arriver aux âmes tueuses à ce moment-là? Ah ben là, elles vont mourir. Avec le temps. Comment une âme peut mourir? Avant, comment une âme peut tuer un corps? OK. L'homme est deux choses majeures. On ne parlera pas du corps physique, on ne parlera pas de ces choses-là, on va simplement parler au niveau de la conscience. Là, l'être humain est constitué de deux consciences. Il y a une conscience astrale, donc une conscience amique, l'âme, la pourriture de l'involution. Ce sur quoi est basée toute l'idée illusoire, spirituelle de l'évolution de l'humanité, c'est l'âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tel est le message laissé par Melchisedec il y a de cela quelques années. De tout ton corps. Parce que l'âme s'exprime biologiquement par le système endocrinien, par le système hormonal dans le corps physique, nécessairement l'âme peut nourrir le Dieu que par l'expression émotive. De tout ton âme. L'âme est donc plus importante que le corps physique en termes de rang. De tout ton âme. Parce que de toute façon, tous les constituants de ton âme devront être axés vers la nourriture d'une divinité. Quelque chose qui englobe dans sa conscience plus que la conscience limitée d'un corps physique, qui englobera donc toute la tradition, l'hérédité des ancêtres. Le Dieu. Le Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Et de tout ton esprit. Ça vient en troisième, ça vient donc en première importance. Alors que toutes les théologies s'entendent pour ne parler que de sauver son âme. On force l'évolution du deuxième corps, de la deuxième importance, au détriment de ce qui est important à l'esprit. Et on va même aller jusqu'à tarir totalement le phénomène de l'esprit en disant que quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui fait de l'esprit. Parce que c'est comique, ça. L'esprit de bottine. Oui. Et quand on voit un fantôme, on va dire on voit un esprit. Alors, c'est une entité. C'est pas un esprit. Et lentement, on arrive avec le terme spiritualité, qui veut dire évolution au niveau de l'esprit. Spirit, spiritualité, esprit, et la spiritualité ne s'occupe que de l'évolution de l'âme. Donc, encore une fois, c'est un galvaudage total des mécanismes d'évolution. Et c'est pourquoi je parle de temps en temps, moi, d'espiritualité. Pas le choix. L'âme, c'est un facteur qui est la mémoire de la chute, c'est-à-dire en réalité la mémoire de la descente, donc de l'effusion d'une conscience créationnelle jusqu'à l'état de matière. À partir de l'état de matière, l'accumulation de facteurs effusionnels sur la matière va engendrer une conscience agglomérative, une conscience qui va pouvoir croître, conscience vitale, engendrant des minéraux qui peuvent s'agglomérer, engendrant finalement des acides, engendrant des mécaniques organiques et engendrant finalement des végétaux, la vie. Lentement, l'agglomération des mécaniques effusionnelles va, sur les mécaniques qui sont croissantes, va engendrer une mécanique de conscience, une conscience consciente d'elle-même, la conscience astrale, qui, dès le début, est extrêmement minime, ce sera animal, elle sera lentement nominale. L'accumulation des mêmes mécaniques effusionnelles sur la conscience astrale engendre le principe mental qui, finalement, va engendrer le contact supramental, qui va engendrer le contact bouddhique, qui va engendrer le contact intentionnel. Lorsque l'être humain assujettit toute son évolution, sa vision du monde à partir d'une conscience astralisée, donc à partir de l'évolution de l'âme, il appuie la base de sa salvation, la base de son salut, sur ce qui l'a détruit. Autrement dit, ce qui a amené la conscience à devenir de la matière, c'est une mécanique. Cette mécanique, elle est codifiée dans la mémoire de l'âme. codifié dans la mémoire du monde de la mort, donc codifié dans la mémoire des égrégores, finalement codifié dans la mémoire de toute forme de divinité planétaire et de phénomène évolutionnaire planétaire. Lorsque l'être humain fonctionne à partir de l'émotivité dans son évolution, il ne fonctionne qu'à partir de ce qui l'a rendu décadent. Alors, l'être humain essaie de comprendre la loi, la mécanique qui l'a détruit, et il se dit, connaissant la mécanique qui m'a détruit, je vais maintenant essayer de la remonter à l'envers. Exactement comme l'individu qui étudie l'escalier roulant qui l'amène en bas, et qui se dit maintenant, au même rythme que j'ai descendu, je vais remonter l'escalier. Ce qu'il oublie, c'est qu'il descendait un pas, toutes les minutes. Mais l'escalier, elle descend, elle. Alors, lorsqu'il se retourne de bord, eh bien, il monte un pas, toutes les minutes. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il continue à descendre, mais un pas plus lentement. Et toute l'évolution de la spiritualité de l'homme, de cette planète, est basée sur la mécanique qui l'a mené à être ici. C'est pourquoi, si on considère, par exemple, la compréhension spirituelle et émotive de ce que le Nazaréen a laissé, l'humain peut bien dire, ça y est, servi à quoi de venir ici? Il n'y a rien qui a changé sa planète. On parle de Siddhartha Gautama, le Bouddha, à quoi ça lui a servi de communiquer ce qu'il avait à communiquer? Ça n'a rien changé sur la planète. Et on peut parler de d'autres phénomènes antérieurs qui n'ont rien changé sur la planète. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'évolution de l'âme. L'âme est une mécanique dans le monde de la mort qui se rappelle de la création de l'âme et qui se rappelle aussi qu'elle n'existait pas avant l'effusion planétaire d'une conscience. La conscience que l'âme peut appeler divine, que l'âme peut appeler esprit, que l'âme peut appeler univers, qu'elle peut appeler comme elle voudra, de façon à pouvoir se leurrer dans les mots. Sauf que l'âme se rappelant qu'elle a été créée, elle se rappelle donc qu'elle peut disparaître. Mais la disparition de l'âme va être un fait lorsque la conscience qui l'a créée n'aura plus besoin de l'âme. Et c'est pourquoi l'âme instruit toujours les mécaniques d'évolution spirituelle que Dieu aime l'homme, que Dieu aime l'âme, que Dieu veut sauver l'âme. Sauf que le Dieu planétaire, qui est l'agglomération des âmes expérientielles de l'humain, veut effectivement sauver l'âme. Et il est aussi le Père réincarnationnel créateur des âmes qui habitent les corps physiques. Et c'est aussi le Père qui va envoyer les âmes tueuses. Comme celui qui va envoyer les âmes dépressives, ou les âmes belligérantes, ou les âmes pacifiantes. Il y a des âmes qui ont des bonnes caractéristiques? Pas des bonnes caractéristiques. Des caractéristiques qui sont recherchées par la virtuosité évolutive de l'homme. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est pacifique qu'elle est meilleure. Qu'est-ce que c'est le pacifique, sinon celui qui fait la guerre à celui qui est belligérant? Mais est-ce qu'il y a des armes, vu qu'il y a des armes tueuses, est-ce qu'il n'y a pas aussi des armes aidantes ou bénévoles ou appelées quelque chose? Absolument. Ben, c'est pas nécessairement mauvais. Non, c'est pas nécessairement mauvais. OK. Donc, tu peux aussi te faire posséder, entre guillemets, par une c'est arme comme ça. C'est toujours débile, c'est toujours con, c'est toujours divin de se faire posséder. Oui, mais c'est pas nécessairement inintelligent d'aider ou d'être serviable ou utile. Un instant. La mécanique qui te fait accomplir est toujours intelligente. Mais le fait que ce soit toi qui sois assujetti à cette mécanique sans ta conscience pour savoir ce qui se passe, ça, c'est toujours inintelligent. Celui qui sait ce qu'il fait, le fait. Celui qui fait la même chose et qui ne le sait pas, le fait. Entre l'un et l'autre, il y a quelques milliards d'années d'évolution de différence. L'idée, ce n'est pas de savoir si je suis possédé par une âme qui fait que je vais aider les autres. Je vais aider les autres et je suis celui qui me nuit le plus. Je donne mon argent, je donne mon linge, je donne mon temps, je donne ma santé, je donne ma vie, je ne suis pas capable de dire non. Je fais du bénévolat. Et je fais comme bien des gens, j'envoie de l'argent dans les pays sous-développés. Donc c'est bon pour les autres, c'est mauvais pour toi. En réalité, c'est bon pour personne. Mais ça paraît bon pour les autres et ça paraît bon pour toi. Ah, oh, ça me rapporte énormément du point de vue. Ça me rapporte. Mais oui. L'humain fait ça parce qu'il est égoïste, il n'a pas le choix. Le bénévole est toujours un être humain qui travaille pour lui, comme n'importe quel égo sur le plan planétaire, sauf qu'il est totalement manipulé à servir. Il est asservi à servir. Lorsque l'humain arrive à une conscientisation particulière qui fait en sorte que l'ajusteur de pensée qui est assujetti au canal réincarnationnel là par où rentrent les mémoires et aussi les âmes tueuses et les mémoires réincarnationnelles qui viennent nous chercher ou nous amener de l'énergie tout au long de notre vie, lorsque l'ajusteur commence à se déconnecter et qu'il bredouille un peu dans le plan moronciel et qu'il touche un peu au monde astral, il amène de l'information ajustée maintenant à l'ego. Lentement, l'ego commence à développer le doute. Donc, il va commencer à développer le reniement, il va renier plusieurs choses. Et lorsque la conscience supramentale, lorsque le mental de l'humain est suffisamment énergisé dans le plan moronciel pour qu'une conscience supramentale, soit par un orateur comme moi ou par un contact direct avec l'ajusteur de pensée, commence à amener de l'information qui est décodée et acceptée par le plan mental, même si toute l'information n'est pas amenée. Une grande partie de ce que je donne en conférence est uniquement digérée énergétiquement. Ce n'est pas codifié mémoriellement. L'individu, l'astral, l'âme d'un individu n'a pas la capacité de se rappeler de tout ce que j'ai dit. Parce qu'une grande partie de ce que je dis, c'est je me sers des mots pour communiquer simplement de l'énergie, c'est-à-dire que je brasse l'énergie qui constitue déjà les humains. Et je prends de la mémoire, on appelle ça briser des chocs, défaire un peu l'ego, je prends de l'énergie qui les habite sous forme de forme, et je brasse un peu, et puis ça défait la forme. C'est de l'énergie qui maintenant est assimilée par le plan mental, et là l'humain commence à se conscientiser. Je ne lui donne pas d'énergie. Je prends son énergie et je m'arrange pour la prédigérer mentalement pour qu'il puisse maintenant la digérer. Je me sers de lui, il se sert de lui. Lorsque l'âme commence à décoder ce genre de principe, nécessairement, elle instruit. Elle instruit, c'est une instruction qui est mécanique. Lentement, le canal réincarnationnel commence à s'étrangler. Le phénomène astral planétaire qui envoie de l'information et qui a besoin d'alimentation, que ce soit les dieux, que ce soit les égrégores auxquels on est relié, commence à se rendre compte que ça passe difficilement. De plus en plus difficilement. Donc, on est astralement en train de perdre de la mémoire qu'on a placée, un investissement astral qu'on a placé dans un corps physique. On a placé 30 ans d'expérience émotive astrale dans un corps physique et subitement, cette expérience émotive astrale est brassée par un vibrateur supramental qui est en train de créer de la poussière avec le bloc de l'âme et le bloc de l'ego, est en train de défaire le ciment qu'on croyait extrêmement solide, et cette poussière, elle, commence à servir à autre chose qu'à des plans spirituels astrales, donc à des plans célestes, à des plans planétaires. Elle commence à créer un double éthérique, et le double éthérique va faire en sorte que si le corps physique de l'homme meurt, toute la conscience qui est à l'intérieur de ça ne gagnera plus le monde de la mort, mais va rester dans le plan moroncel, dans le double éthérique, donc l'être humain étant immortel, tout le monde de la mort au complet vient de perdre un être humain. Mais dans le monde de la mort, que tu dis, on se rend compte que le canal de l'incarnationnel commence à se boucher, etc. C'est qui, c'est quoi ce on-là? C'est Dieu. Mais il n'y en a pas juste un, il y en a un paquet. Oui, mais c'est ton Dieu. Fait que c'est tous chacun le nôtre, peu importe la religion qu'on aura, qui va diriger cette opération-là. Quand il y aura suffisamment de conscientisation à l'échelle de l'humain, les dieux vont commencer à s'allier et à s'unir. Mais pour l'instant, les dieux sont toujours en train de se battre. Mais quand on parle de Dieu dans le monde astral, tu as déjà dit aussi sur d'autres conférences que c'est les pieds de Dieu. Oui, j'ai dit ça pour être diplomate. OK. On va continuer à parler des pieds. Ces pieds-là, là, ça porte de conscience dans le monde astral. Ça a une conscience astrale. Ça a une conscience que par l'expérience, présentement, que la conscience astralisée de Dieu est en train de découvrir que le chemin qu'elle a fait jusqu'à la matière, qu'elle aurait fait à travers l'homme. Alors l'homme a pensé que c'est Dieu qui venait de créer l'homme, mais c'est une mécanique simplement de retour. Et lentement, le phénomène divin du monde de la mort, donc le phénomène divin céleste, et non, je ne parle pas du Dieu dans les cieux, mais du Dieu dans le ciel, je parle autrement dit de ton père. Je ne parle pas du reste. Ton père en tant qu'âme. Celui-là qui a engendré l'âme à un moment donné, l'âme est en train de découvrir qu'elle va redevenir ce Dieu, ce qu'elle a toujours recherché, parce qu'il a été programmé à retourner par des mécaniques lucifériennes. Sauf que l'âme décode de plus en plus que la journée que tu deviens Dieu, tu ne peux plus être ce que tu étais. Le Fils. Si tu deviens Dieu, tu n'es plus autre chose. Mais présentement, si tu n'es pas Dieu, c'est que tu es autre chose. Et l'humain finit par essayer de s'associer à une complaisance évolutive où il sera avec Dieu, mais pas Dieu. À sa droite ou à sa gauche. N'importe où, en dessous, en haut, en avant, en arrière, mais où il restera, lui, pouvant se dire, c'est Dieu. Et il peut pouvoir s'en nourrir. Sauf qu'il vient un moment donné où lorsque l'être humain arrive à une conscience où il peut englober la divinité, une des mécaniques de la divinité, c'est qu'elle est omniprésente. Pour englober dans sa globalité, donc dans l'absolu, la divinité, tu ne peux faire autrement que d'être la divinité. Si tu es la divinité, tu ne peux plus être une partie de la divinité. Donc, tu ne peux plus être une partie de l'étincelle d'un feu global. Tu ne peux donc plus être une âme ou un ego. Mais ça, l'âme et l'ego le sait. Et la partie divine du monde de la mort, elle, c'est une partie, c'est une âme planétaire qui est divisée, pluralisée à travers un paquet d'âmes humaines. et même animal et végétal, sauf que la partie de l'âme planétaire sait très bien que s'il y a trop d'humains qui entrent en contact, donc qui arrivent à surmonter le monde de la mort, ce que le Nazaréen a fait, il a ouvert les portes du ciel, il permet à l'humain non pas d'entrer dans le ciel, toujours plus rentrer dans le ciel, il permet à l'humain de sortir du ciel, c'est autre chose. Lorsque des humains finissent par devenir immortels, donc ne plus être assujettis aux lois d'évolution de l'animal humain, c'est-à-dire de l'être mortel, celui qui perd la conscience lorsque le corps physique s'en va, s'il y a trop d'humains qui arrivent à faire cela, ces humains sont branchés à de l'intelligence absolue, à de l'intelligence supramentale, à de l'intelligence qui a engendré la mécanique mémorielle du monde de la mort, donc les dieux planétaires, les dieux matériels, que ce soit les forces géoviques, les forces iaviques ou les forces éloïmiques. Lorsque l'intelligence, maintenant, par l'humain descend ici, cela va engendrer un rayonnement qui va nécessairement démolir complètement la structure du monde de la mort, donc qui va immortaliser toute la conscience à l'intérieur de l'homme. Mais l'immortalisation de la conscience de l'homme fait en sorte que la conscience de l'homme va devenir globalement plus grandiose. Elle va englober les dieux mineurs, c'est-à-dire les dieux que l'humain adore, recouvre d'or parce qu'ils sont trop laids, et éliminant ces dieux-là par la digestion, l'absorption dans la conscience de l'humain, ces dieux-là cessent d'exister. Et ces dieux-là ne veulent pas cesser d'exister. La réaction du monde astral, c'est de l'autodéfense. La légitime défense, je dirais, c'est pas de l'intentionnalité de légitime, tuer les légitime, non. Parce que la défense, l'autodéfense. Ouais, réaction de défense. Jusqu'à date, toutes les structures qui ont connu de l'évolution similaire à celle de l'humain ont été supplantées par le monde de la mort, où le monde de la mort permet l'évolution de l'homme parce qu'il se rappelle des choses. Lorsque l'humain arrive à un certain point d'évolution, on envoie ce qu'on a préparé, des mécaniques que la Bible appelle animalien, c'est-à-dire la bête. De sauter en bas du bon Jean Cartier ou... Pauvre Jean Cartier, s'il aurait su, hein, qu'un jour... Il n'aurait jamais fait de pont, hein? Bon, d'ailleurs, on le fait croche presque pour suicider les automobilistes. Ouais. C'est juste intéressant, c'est peut-être quelqu'un qui me passe comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi le pont Jean-Cartier est tout croche? Il y a une courbe là, qui s'appelle la courbe de la mort. Parce qu'il y a un bonhomme là, qui a une maison en face là-bas. Puis quand il a exproprié tout le territoire au complet, il ne l'a jamais voulu vendre. Puis comme ils n'ont jamais réussi à avoir sa cabane, ils ont été obligés de détourner le pont Jean-Cartier qui devait aboutir sur Pépinot, puis tombe sur Delormier maintenant. Et c'est la courbe de la mort, c'est à cause du bonhomme qui avait sa maison. Il est mort, lui. Sa maison est encore là, puis le pont comme ça. On appelle cela de l'intelligence planétaire. L'humain construit comme ça. Voilà. L'âme tueuse, qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, l'humain, du point de vue de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que tu découvres subitement que peut-être tes parents t'ont conté des menteries. Tu appelles ça des menteries. C'est-à-dire que tes parents t'ont dit leur vérité. Et parce que maintenant, tu supplantes leur vérité, tu restes convaincu dans l'idée qu'on a que tout le monde est bâti égal, que si maintenant tu sais que c'est faux, ben tes parents le savent. Alors pourquoi m'ont-ils compté tant de menteries? Exactement comme celui qui un jour, ben, parce que c'est le même cheminement, découvre que les religions, ben, elles y ont caché des choses. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont tant manipulés puis tant cachés? Non, c'est parce qu'au niveau où tu es rendu, tu considères que tout ce que tu comprends, tout le monde le comprend. Fais mes crimes, pourquoi qu'ils ne comprennent pas, pourquoi qu'ils ne se réveillent pas? Regarde un dormeur, puis il dit, pourquoi il ne se réveille pas? Ben, parce qu'il dort, c'est tout. Puis quand il se réveille, pourquoi il ne dort pas? Ben, parce qu'il se réveille, c'est tout. Lentement, on rejette et on finit par se poser, on paranoïse les choses. Pourquoi m'ont-ils tant caché de choses? Pourquoi Dieu ne vient pas dans ma chambre m'expliquer simplement ce que je dois faire? À un moment donné, j'ai la vision que je dois faire ceci. Alors, je me lance pour le faire et puis je perds un œil, un accident. Et là, on vient me dire que Dieu veut juste m'éprouver. Te rappeler à l'ordre. Mais Dieu a-t-il comme unique but d'éprouver l'humain? Finalement, parce que Dieu me donne une mission, puis il m'empêche de l'accomplir pour m'éprouver. Mais tant mieux! Il n'y a rien à faire. J'ai aucune mission à faire. C'est quoi l'idée? Et lentement, l'humain, même s'il ne perd pas d'œil, mais lentement, l'humain finit par découvrir que la planète Terre, présentement, sous l'égide des divinités, est rendue à un point d'évolution où, matériellement, on pourrait rendre la vie super confortable, détacher l'animal humain et même l'humain des contraintes matérielles, éliminer la pauvreté qui est une création totale du monde spirituel, parce qu'on a besoin de la pauvreté pour pouvoir se donner l'illusion qu'on donne aux pauvres. Bon, mais on a ce qu'il faut. Pourquoi ça ne se fait pas? Les suicides ne sont pas nécessairement provoqués par une désillusion comme ça. Ça peut être aussi... Non, Sauf que cette désillusion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet de te déterrestrifier. Aha! Qu'est-ce que ça veut dire, se déterrestrifier? Répète-moi ça en français. Te dégrander. Ah, ok, ok. Voilà. Ok. Tu as compris? J'ai compris. Parfait. L'humain, qui est en cette phase de conscientisation, vit un dédoublement de conscience. C'est-à-dire qu'il a une conscience supramentale ou mentalo-supramentale, donc une conscience mentale à caractère, à tendance supramentale, et subitement, c'est coupé, et paf, il revient avec une conscience planétaire, une conscience terrestrifiée, une conscience grounded, une conscience astrale. Donc, notre humain, il est là, il dit, oui, mais c'est pas tout ça, il faut quand même aller travailler. Puis, à un moment donné, il y a un dédoublement. Ce n'est pas une bilocation, c'est un dédoublement de conscience. La bilocation, c'est que tu as les deux consciences en même temps. Le dédoublement, c'est un ou l'autre. Alors, il y a dédoublement, et lentement, tu rentres dans la conscience mentalo-supramentale, qui est un ajusteur de pensée qui n'est pas encore expérimenté, qu'on doit instruire. Et là, tu te dis, oui, mais passer sa vie à travailler. Puis après ça, je meurs, puis je lègue ça, puis ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, tu stationnes ton automobile ou ton autobus sur le bord du chemin, et tu te dis, ça va plus. Et subitement, tu te reterrestrifies, donc tu reviens dans la conscience astralisée, une conscience arimanienne et satanienne. Et là, tu te dis, ouais, ben là, si je vais aller voir un film à soir, je suis mieux rentré travailler, sinon mon boss va me crier après. Bon, culpabilité, peur, etc. Et tu t'en vas travailler. Mais lentement, au fur et à mesure que tu chemines dans ce dédoublement de conscience, que la conscience lucide, le peu de conscience supramentale réelle, le peu d'esprit qui habite les corps physiques de l'humain, c'est-à-dire toi, vous autres, mais réellement là, ben quand vous allez découvrir votre propre réalité, vous la découvrez, mais elle est colorée par le corps physique, par toute la codification, la programmation qu'a laissé l'astral dans le corps physique depuis votre naissance. Donc, tu découvres des choses, et ces choses que tu découvres, tu as de la difficulté à les adapter. C'est-à-dire que là, je découvre une chose. Si j'ai été créé, d'avoir une raison, immédiatement, l'ego, l'âme, est instruit de ce que tu viens de décoder. Étant instruit, elle te descend. Oui, mais la raison, c'est quoi? Et là, tu viens de baisser en vibration, c'est une réaction astralisée. Et là, tu remontes à un moment donné, donc il n'y a plus de trémolo dans la voix, il n'y a plus de transpiration, il n'y a plus rien. Il y a un cheminement qui se fait et ce dédoublement peut se faire de seconde en seconde, pendant un laps de temps. Et là, dans ce temps-là, l'individu astralement devient totalement déphasé à la réalité, c'est-à-dire qu'il n'est plus adaptable à la réalité commune. Pourquoi? Parce qu'elle dit « Oui, j'y vais », puis en même temps, ça dit « Pourquoi tu y vas? » Puis là, il revient là, « Ben, j'y vais parce qu'on y va. T'es collectif. Ouais, c'est pas grave d'être collectif. Non, mais les animaux sont collectifs. Oui, mais il faut bien qu'on y aille pareil. Oui, mais un individu, c'est intelligent. Oui, mais moi, je suis un individu, j'ai décidé que j'y allais. T'as pas décidé, tu suis. T'es en arrière. Oui, je sais, mais c'est parce qu'ils sont plus vite que moi. Puis là, tu t'en vas là. » Là, ce qui arrive, il arrive que lentement, l'ego finit par... C'est un monologue à deux, là. Oui, mais ça se passe à une vitesse où, normalement, l'individu, à ce niveau-là, ne discerne même pas qu'il est deux à jaser. Et il a l'impression qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais à un moment donné, l'ajusteur de pensée, ce petit fiefé coquin, il vient ouvrir des portes et quand le cerveau en a assez, il coupe le contact. Alors, oui, mais, flunk! Là, il reste juste l'expérience due, avec plus rien pantoute en haut. Schizophrénie. Lentement, peut-être psychose, névrose, mais psychose. C'est-à-dire que lentement, l'individu finit par s'écraser, puis là, il vient de... Les béquilles sont un peu tombées. Bon, Dieu n'existe pas. Mais après, plus rien. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu as l'expérience d'une puissance assez réelle qui est venue démolir des parties de l'ego, c'est-à-dire c'est le vibrateur de l'ego qui fait de la poussière, qui crée du double éthérique, qui en égoïse. Mais là, l'individu, pendant cette période-là, c'est l'une des périodes dangereuses pour se faire investir d'une âme tueuse, c'est-à-dire que pendant l'étape où tu es totalement ébranlé, tu essaies de rechercher le contact, et pendant que tu essaies de rechercher le contact, tu fouilles au niveau de l'ajusteur de pensée, et là, sans que tu le saches, par le canal réincarnationnel, on peut envoyer une âme tueuse, c'est-à-dire envoyer la mémoire, l'expérience d'un individu qui, lorsqu'il a vécu la déstabilisation astrale, s'est suicidé. C'est-à-dire, a refusé de ne plus être connecté avec la mémoire du passé. Trop instabilisant, c'est extrêmement... Très... Ce n'est pas souffrant, c'est pire que souffrant pour l'ego. Et, en même temps, l'expérimentation d'un contact avec un ajusteur de pensée qui, présentement, ne te mène à rien. tu n'as pas le contrôle de l'ajusteur de pensée. Alors, donc, lentement, une arme tueuse vient, et elle, lorsqu'elle descend dans ton corps, elle se retrouve chez elle, en plein ce qu'il faut. Une psychologie totalement déstabilisée, un canal ajusteur de pensée qui flotte dans le plan moronciel, qui n'amène que de l'énergie, c'est-à-dire du vide puissant. C'est terrible pour un ego du vide puissant. Tu as l'impression que tu le sais, mais tu le sais pas. Tu as l'impression que c'est là, mais c'est pas là. C'est un vide puissant, c'est de l'énergie sans information. Alors tu sens cette énergie, tu sens la puissance, mais merde, ce n'est pas émotivisable, ce n'est pas astralisable, ce n'est pas amifiable, ce n'est pas décodable. L'autre, bon, l'âme tueuse vit à l'intérieur de ça, et lentement, elle va essayer de tout détruire, c'est-à-dire qu'elle va essayer de ramener l'ajusteur de pensée sur le canal réincarnationnel, et elle va essayer de restabiliser l'ego. Si elle restabilise l'ego, l'âme tueuse ne tuera pas l'ego. Mais à ce moment-là, elle ne se nourrira pas de l'expérience? Non, elle se nourrit de l'expérience du corps physique, elle se retrouve chez elle. Elle ne se nourrit pas de la finalité, c'est-à-dire elle n'aura pas l'extase de l'alimentation, mais elle va quand même se renourrir. Et l'être contrôle qui l'a permis de pénétrer peut la ramener. Donc l'individu, après avoir pensé au suicide, après avoir totalement été perdu, peut finir, après une ou deux tentatives, par se retrouver dans les mains de personnes qui vont l'aimer, justement des bénévoles, qui vont venir l'aider, et puis lentement, elle va tout abandonner ça, les conneries, les folies, là, et puis là, elle va continuer sa vie d'animal inconscient, jusqu'à temps que ça recommence, ça va tout recommencer. Mais pour l'âme tueuse qui ferait ça, puis qui se ferait réenlever par un maître contrôle, ouais. Elle, c'est comme manger, puis pas manger de dessert, là. Quand l'être contrôle la ramasse, de toute façon, il la fout dans un autre corps, ça étire le plaisir simplement, c'est extrêmement plaisant pour l'âme tueuse. Elle mange plus longtemps. C'est ça. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il vient un temps où ta déstabilisation, tu la supportes biologiquement. Ton corps physique ne sécrète pas trop endocrinalement, ça n'auto-stimule pas trop l'ego de sa déstabilisation. Donc, tu te promènes, tu reviens. C'est insécurisant, tu es déstabilisé, tu es bouleversé, tu ne sais plus du tout où aller, c'est normal, tout là-dedans, tout est défait. Mais c'est génial, parce que ce qui est là se défait facilement comme ça, c'est que ça ne valait pas la peine de continuer à mettre de l'énergie pour le conserver. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas être capable d'être dans la location supramentale, mentale ou supramentale, et de temps en temps, tu redeviens terrestrifié. Mais là, il y a un gros danger. C'est pourquoi l'être humain doit être attentif et non pas concentré. Être concentré, c'est être attentif sur une chose. Être attentif, c'est être concentré sur toutes les choses. Être éveillé. C'est une forme d'état d'alerte des sens neurologiques localisé dans le présent immédiat et sans perte d'énergie. C'est de l'attention. Comment tu fais ça? On pourra y revenir. L'être humain doit être attentif. C'est-à-dire que l'être humain, à un moment donné, se fusionne. C'est-à-dire qu'il entre en communion. Il communie plutôt. La fusion, c'est un peu après. Il communie avec son double éthérique. Avec le peu de deux qu'il a en constitution, il travaille avec un ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, mais l'ajusteur va s'expérimenter. Il y a des moyens, évidemment, de lui donner de l'expérience à l'ajusteur, mais pendant le laps de temps, l'individu travaille avec un peu. Alors, il a une conscience qui n'est plus fusionnelle, une conscience qui est fusionnelle, donc une conscience qui est supramentalisable, une conscience d'être humain, et non plus une conscience d'animal. Pendant cette mécanique, il n'est pas terrestrifié, c'est-à-dire qu'il n'a pas le contrôle total du canal réincarnationnel ni de son corps physique. Autrement dit, le temps, la période où il est en train de, par la conscientisation, de découvrir un peu plus l'intelligence, il aura de la difficulté à conduire son automobile, parce qu'il n'est pas là dans le corps. Il aura de la difficulté à travailler, il fera des erreurs, il oubliera des choses, il aura de la difficulté à enseigner, il aura de la difficulté à se lever le matin, il aura de la difficulté à se rappeler un rendez-vous, il aura de la difficulté simplement à être efficace. Pourquoi? Parce qu'il est dans un plan qui n'est pas planétaire. Mais le corps physique, lui, est libéré, il est libre à travers cela, avec des mémoires d'intervention qui peuvent aider l'humain. Mais si ces mémoires d'intervention ne sont pas suffisamment efficaces, ben, à un moment donné, il va devenir justement inefficace dans sa vie courante. Mais là, pendant ce temps-là, il apprend des choses. Sauf que lorsqu'il revient sur le plan planétaire, tout ce qu'il peut décoder, c'est que oui, bon, ben là, j'ai appris. Mais je suis en train de perdre mon emploi. Mais est-ce qu'il est conscient de cet apprentissage-là ou non? Le temps qu'il le fait, il n'est pas conscient de l'inefficacité. Mais lorsqu'il revient terrestrifié, il est conscient que là, oui, c'est, mais là, merde, j'ai encore fait ça, j'ai encore fait ça. Le patron me gueule après, j'arrive en retard, je n'arrive plus à communiquer avec ma femme ou avec mon mari ou avec mes enfants. Enfin bref, j'ai de l'inefficacité. Mais il n'y a pas de conscience d'avoir quitté le corps physique et d'être revenu. Non, lorsqu'il revient là, tout ce qu'il se rend compte, c'est crime, on dirait que je me rends pire. Merde, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux faire pour m'améliorer? Là, tout va en dégradant. L'impression que toujours était là. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il va. L'humain qui n'est pas au courant de ce que j'explique ne sera pas capable, parce que entre la conscience supramentale où tu te perds de temps en temps, et c'est ce qui va engendrer la problématique de l'inefficacité matérielle, et la conscience astrale où tu reviens, ou donc tu te perds aussi, ce qui engendre l'inefficacité évolutionnaire, il y a le mental. Et c'est pourquoi je dis que le mental doit devenir le maître contrôleur à bord du corps physique. L'homme mental doit être son seul maître. Il doit instruire l'ajusteur de pensée, il doit instruire l'astral. Le mental, si le mental est suffisamment développé, ici, donc, bon, avec les conférences, par exemple, on arrive à avoir suffisamment d'informations pour que le mental finisse par se développer par légifération, lentement par mentalisation. Le mental devra dire à l'ego, ouais, ben, calme-toi, le CAF, le corps, l'astral, le vital et l'ego, calme-toi et attends. Présentement, tu peux perdre ton emploi, c'est possible, tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ceci, tu peux perdre cela, c'est de l'inefficacité, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, avant de paniquer, attendons d'avoir de l'information. Le mental peut dire à un individu, le mental va lentement se développer et empêcher totalement la pénétration d'une âme tueuse. Mais l'individu qui ne fait pas suffisamment confiance à son mental et qui fait trop confiance à son intellect, l'intellect, c'est le mental naissant, totalement assujetti à l'ego. C'est le mental qui dit à l'ego ce que l'ego veut entendre, mais l'ego, ce qu'il fait à l'ego, c'est qu'il dit, moi, je me crois pas. Si mon boss me le dirait, je le croirais. Prends le téléphone, hey boss, dis-moi donc, je suis bon. OK, là, le boss arrive, hey, t'es bon. Tabarnouche, je suis bon. Lorsque l'ego communique à l'intellect ce que l'ego veut entendre, lorsque l'intellect lui dit, là, l'ego, il croit. Mais c'est un jeu, une leurre totale. Lentement, ce qu'il y arrive, le danger au niveau de l'âme tueuse, c'est que je me plante au niveau supramental, à bout de temps, donc je fais des conneries pendant ce temps-là ici. Je suis, à un moment donné, je suis libéré du contact supramental, je reviens au niveau du contact astralisé, et à travers ce jeu, j'engendre une expérience, l'expérience astrale de ce vide. C'est-à-dire que l'astral, mon ego, mon âme, ne peut pas expérimenter mon contact supramental, mais elle peut expérimenter mon absence astrale. Lorsque je suis dans le contact supramental, bien, je suis inefficace. Je accroche mon micro, je fais des trucs, je renverse de l'eau, ça, je suis habitué. On s'habitue lentement. Hein, on s'en vient. Bon, mais on vise bien. Et lentement, expérimentant ces choses-là, l'ego finit par décoder que merde, il y a des moments donnés où je suis pas là. Et cette expérience du vide, c'est là le danger. Il va venir un temps où je suis sur le bord de la station Henri Bourassa, j'attends le métro. Et à un moment donné, mon âme s'en va dans cette mémoire du vide. Je ne suis pas en contact avec l'intelligence, qui va quand même préserver l'intégrité de mon corps physique, même s'il me fait renverser de l'eau. Je m'en vais fouiller dans la mémoire astrale du vide. Je ne suis donc plus là. Vu que je suis en train de développer un double éthérique, que je suis en train de développer un contact avec l'intelligence supramentale, donc je suis en train de devenir immortel, je deviens un danger réel pour le monde de la mort. Parce que je ne mourrai plus, et en plus, lentement, par rayonnement, par imprégnation, on ne veut pas, je vais engendrer de l'expérience qui va faire que de plus en plus d'humains vont échapper au monde de la mort. C'est la mort du monde de la mort. Alors, je chemine dans ce vide astral vide, je suis sur le bord de la station de métro, et puis je regarde les gens aller. Finalement, je ne vois plus rien du tout. Je ne suis nulle part. Et une âme tueuse descend. Je suis en avant. Il ne se passe absolument rien. Je regarde les rails en bas. Je trouve intéressant. Je suis attiré par les rails. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'entends plus les sons. Le métro s'en vient. Je le vois venir. J'ai une idée. L'expérience de la mort, c'est une chose à expérimenter. D'ailleurs, les drogués vont souvent se faire ramasser par des âmes tueuses où ils vont se droguer jusqu'au point limite de la mort. Et là, ben, s'ils reviennent, ils vont un peu plus loin encore. À un moment donné, ils décollent. L'expérience de la mort. L'âme qui est là maintenant veut expérimenter l'éclatement du corps physique, la mort du corps physique, la souffrance mortuaire. Tu n'es pas là, toi. Et là, le métro s'en vient, il ralentit, il s'en vient, et tu n'es pas là. Puis à un moment donné, tout ce que tu sais, c'est que tu n'es plus vraiment plus là. Ton corps s'est jeté devant la rame de métro. c'est un suicide. C'était pas prémédité, ça n'a pas été planifié, ça a été accidentel, entre guillemets. Bah, pour c'est le un corps, meurtre. Pour le corps physique, c'est accidentel. Bah, c'est un meurtre. Ouais. L'individu qui est heureux, qui est jovial, qui va bien, puis qui, à un moment donné, se tire une balle dans la bouche, il était en train d'évoluer. Et à un moment donné, il n'était pas là. Mais il n'y avait pas nécessairement besoin d'être conscient qu'il évoluait. Non. Il y a plein de gens qui... C'est-à-dire qu'il était conscient qu'il évoluait. Ce que tu devrais dire, il n'avait pas nécessairement parlé de ce qu'il vivait à d'autres. Il l'avait gardé pour lui. Oui. Parce que tu le vis, mais avant d'aller dire aux autres, hey, c'est drôle, mais de temps en temps, patron, je ne veux pas perdre mon emploi, c'est à cause que de temps en temps, je vois des choses. Voyons donc. Non, tu ne crois même pas. L'ego revient. L'ego n'a pas expérimenté encore nécessairement la conscience supramentale. Il commence à expérimenter la vibration de l'ego. Mais il n'a pas les mots. Moi, j'ai les mots. Mais il n'a pas les mots, nécessairement, pour pouvoir s'instruire de ce qui se passe. Lui, il peut se prendre... il peut se considérer comme étant cinglé un peu. Sur le de toute façon, toute la psychologie est là pour lui dire. Qu'il est, qu'il a des problèmes. Et il n'aura pas à en parler pour commencer. De toute façon, s'il va en parler, il va se faire problématiser encore plus. Alors, à un moment donné, il s'en va dans ce trou astral. Et là, il est sur le haut d'un balcon. Et puis, il n'entend plus le trafic, il n'entend plus les oiseaux, il n'entend plus l'air, il n'entend plus rien, il n'est plus là. Il est le bloc, il a une fusion avec l'événement. Il regarde en bas, et en bas, il n'a pas le vertige, et le corps est attiré, et le corps s'en va. S'il ne revient pas pour... eh bien, à un moment donné, il plane. Mais comment fais-tu pour revenir dans le corps suffisamment rapidement pour empêcher... Oui, c'est ça, c'est pas tellement intéressant de revenir pendant que tu tombes. Non, c'est ça, avant. Avant ou après, mais... Mieux vaut être revenu avant, voilà. Ouais. Ce que l'on doit faire, et quand je parle, c'est amusant, on rit un peu, mais les armes tueuses, c'est extrêmement débile. La deuxième cause de mortalité chez les jeunes au Québec est le suicide. Les jeunes sont des enfants Teflon, des enfants nouveaux qui ont besoin d'un cadre neuf, sont des enfants qui sont supramentalisables, qui sont conscientisables, et ils se ramassent souvent, on dit dans la lune, ils sont perdus, ils se ramassent souvent à jouer le jeu. Je parlais le dédoublement de conscience. Et à un moment donné, ils engendrent dans leur astral, dans leur expérience, la mémoire de l'absence de leur conscience lorsqu'ils sont là-bas. Et à un moment donné, ils se font ramasser par une arme tueuse et c'est fini. Et quand je parle d'enfants Teflon, on parle de la naissance, aller jusqu'à 30, 40, 50, 60 ans. Mais évidemment, c'est plus, il y en a beaucoup plus vers en bas âge qu'il y en a dans les âges plus élevés, mais quand même. 20, 30, 40 ans, il y en a beaucoup qui vont se faire ramasser parce qu'ils se conscientisent. Or, c'est un problème. Non seulement on ne met pas beaucoup d'enfants au monde, mais ceux qu'on met au monde se suicident. Et nous, qui nous conscientisons, moi, c'est éliminé, mais la majorité des individus qui se conscientisent risquent de se faire récupérer par une arme tueuse et ils vont se suicider. En réalité, ils vont se faire assassiner. Comment on évite ça? Parce que c'est intéressant d'en parler. Bon, si, par exemple, parmi vous ici, il y a des gens qui ne peuvent plus se faire ramasser par une arme tueuse, mais on vit avec des enfants. On vit avec d'autres personnes. De toute façon, vous dites, j'ai pas d'enfant, mais un jour, il y en a qui vont s'approcher de vous. Parce que lorsqu'un enfant Teflon voit un être humain, un adulte, bizarre, donc conscient, il s'approche, il y a de l'imprégnation, et lentement, il se suicide. Bon, nous devons sérieusement considérer le travail que nous devons mentalement faire pour éliminer la possibilité d'intervention d'une arme tueuse. Qu'est-ce que ça fait? L'être humain doit créer, donc instruire son ego, créer des mémoires d'intervention qui vont remplacer l'instinct qu'on a perdu. Il y a eu un temps où l'humain avait un instinct de préservation tel qu'il préservait sa vie. Il était capable de s'adrénergiser, c'est-à-dire de s'énergiser d'adrénaline lorsque psychologiquement, il se croyait totalement perdu, ben là, il fonçait puis il arrivait à s'en sortir. Mais à un moment donné, on a tellement spiritualisé la vie, on l'a théologisée, et on en est rendu à dire, la vie, on doit la préserver, on ne doit pas tuer autrui. C'est génial, c'est de l'évolution, dans l'inconscience. Mais c'est de l'évolution. Sauf qu'on en arrive à un point tel où on a, moralement, détruit l'instinct de survie pour la remplacer par la conscience de survie. Mais la conscience de survie est une conscience astralisée. Tant que tu émotivement, tu as le goût de vivre, tu préserves la vie. Mais quand, à un moment donné, dans ce facteur de conscientisation, tu finis par animotiver, éliminer l'émotion dans ta vision de la vie, tu n'aimes plus vivre. Nécessairement, ça ne veut pas dire que tu détestes la vie, mais tu perds déjà le goût, c'est-à-dire l'intérêt. Vivre pour. Ben, vivre parce qu'on est là. Mais là, il y a une problématique, c'est que si l'énorme tueuse vient, elle peut te dire, elle peut te rendre extrêmement émotivement plaisant le suicide. C'est-à-dire que tu te vois éclater, tu vois expérimenter les choses, bon, tu y a des choses. Et là, tu pars. Nous devons réinstruire l'ego de l'absolue nécessité de conserver en vie notre corps physique. Comment? Je le dis là. Mais on doit travailler mentalement. On peut même spiritualiser le phénomène. Je m'en fous parce que c'est de l'astral. On doit créer une mémoire d'intervention dans l'ego qui va faire en sorte que lorsque ça va être le temps de mourir, que celui-ci va immédiatement dire « Non, oh, flingue, l'âme tueuse est rejetée. » Donc, il faut s'instruire de se défendre de ce phénomène-là. Mais au moment où ça t'arrive... Je vais juste amener la mécanique avant. OK. L'ego doit être instruit qu'il n'y a aucun salut dans le monde de la mort. C'est uniquement dans un corps physique vivant, quel que soit son état, sa grosseur, son poids, sa forme ou ses rides, c'est uniquement, et c'est un fait, uniquement dans un corps physique animé, donc vivant, que se fait l'évolution. J'ai donné différentes conférences sur ce qui arrivait, par exemple, dans le monde de la mort, au niveau de la réincarnation. Une personne qui m'a donné, a fait le séminaire, en a suffisamment pour éliminer les probabilités d'inquisition d'une âme tueuse. L'être humain doit instruire son ego. L'ego doit totalement comprendre que dans le monde de la mort, il y a jouissance traditionnelle, réincarnation pluralitaire où tu ne te rappelles pas ce que tu étais, tu te ramasses dans un corps physique que tu devras recommencer à reconstruire, tu devras recommencer à cheminer vers une conscience. Si tu te suicides encore, ben, on recommence les mêmes affaires. Tu ne fais qu'étirer ton martyr. Tu dois être vivant. Dans le monde de la mort, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de connaissance réelle, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de salut, il n'y a que macération. Je dois être vivant parce que dans un corps physique, j'exprime de l'âme. Exprimant de l'âme, j'exprime de l'émotion. Exprimant de l'émotion, je sécrète endocrinalement, je vis biologiquement mes problèmes. Vivant biologiquement mes problèmes, je crée un corps physique plus solide. Créant un corps physique plus solide, je vais amener l'âme à s'exprimer dans mon corps physique et à ne pas être capable de le dominer. Cela va créer l'anégoïsation. Je détruis mes problèmes réellement quand je commence à être capable mentalement de supporter ceci dans la vie. Détruisant l'ego par anégoïsation parce que je supporte les problèmes, j'engendre un double éthérique. Plus cela va aller, plus je vais vivre intensément le feu de la merde. Et à un moment donné, je vais vivre une diminution de ce feu avec une augmentation réellement sensible de l'efficacité vivale. Je vais réussir dans tout ce que j'aurai à entreprendre. Toute la vie va changer un peu plus tard. Et je suis immortel rendu à ce niveau. Il n'y a que si nous sommes les habitants d'un corps physique vivant. Je ne parle pas de l'ego. L'ego, je m'en fous, mais je parle de notre mental. Vous ne pouvez vous en sortir que dans un corps physique qui vit. L'âme tueuse qui descend et qui, à un moment donné, va faire en sorte... Je prends un exemple. Je m'entraîne de temps en temps avec des personnes. On est dans le bois. Et à un moment donné, je veux vérifier un individu. L'évolution, on la spiritualise. Et c'est un groupe de chefs. C'est un groupe de personnes qui travaillent leur anégoïsation, de façon qu'ils ont un dobétérique en constitution. Et à un moment donné, ce que je fais, c'est que je veux vérifier jusqu'à quel point ils sont capables de supporter de l'intelligence. Est-ce qu'un verre d'eau, c'est dangereux? Non. Si je le brise et que je te l'enfonce dans le cœur, oui. Mais ce n'est pas le verre. Alors, pour vérifier l'animotivité de ces individus, à un moment donné, j'amène une M16, qui est une arme semi-automatique, une arme de guerre. Et je leur donne, et je dis maintenant, on s'entraîne au tir à la M16 sur des cibles. Tout le groupe, pas de problème, les autres, ça va bien, ils aiment ça tirer, c'est pratique du contrôle, pratique de la précision, etc. C'est différent de l'humain qui évolue spirituellement, qui dirait, ouais, une arme à feu, une arme de guerre en plus, puis quand tu te mets à tirer, les balles, les deux, ils revolent, puis tout ça, tu sais, c'est tout à fait dans l'onde de forme, réellement, de... Non, les individus, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut tirer à l'arc, on peut tirer. L'arme tueuse, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? C'est qu'à un moment donné, tu commences à tirer avec ton arme. Et à un moment donné, tu te concentres sur ta cible. Tu te concentres sur la précision développée. C'est le mental qui travaille. Et à un moment donné, tu ne te connectes pas avec ton double ou avec ton ajusteur de pensée, mais lentement, à travers la concentration, tu n'es plus attentif. À travers la concentration, à un moment donné, ton arme, ta conscience astrale s'en va dans ce trou. Une arme tueuse descend. Et il te reste encore 16 cartouches. On est 8-9. Et à un moment donné, sans explication, expérience de la mort. Alors tu tires ton collègue, tires ton copain, tires un autre, tires un autre, tires un autre, tires un autre. Tu te tires. Et voilà. Il y en a qui font ça chez McDonald's. Ils rentrent avec des AK-47, comme c'est arrivé dernièrement. Et ils tuent un paquet de monde pour ça, ils se suicident, et c'est fréquent. Une arme tueuse, encore une fois. Ça se termine par un suicide. C'est des possessions, je dirais, instantanées ou presque. Là. C'est-à-dire dans le sens qu'il n'y a pas de logique. Elles ne sont pas là avant, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, ça t'en va quelque part. On dit souvent que ceux qui font un meurtre collectif et se suicident sont des individus qui semblaient corrects. Un policier fait ça, etc. Ce sont des individus qui semblaient stables, mais qui, à un moment donné, ont vécu un bouleversement. Mais c'est ça, là. C'est quand tu commences à découvrir que l'amour n'est qu'égoïque, que l'amour n'est qu'égoïsme, que l'amour est une farce, que l'amour est souffrant. Quand, bon, on parle d'un couple avec ses enfants, quand l'humain commence à découvrir, quand l'ego commence à se faire instruire, il devient totalement instable. Et subitement, ben voilà, il n'en a pas parlé avant, ça ne paraissait pas. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de tuer ses enfants, il s'est suicidé. Ou il vient de tuer du monde qu'il ne connaissait pas, et il s'est suicidé. Arme tueuse. On doit être attentif. Jamais plus concentré. J'ai des problèmes. J'ai un corps physique. La vie va m'amener la solution. Oui, mais je comprends plus rien. Mais c'est normal, c'est l'ego. Vous n'êtes pas de l'ego. Vous êtes du mental. C'est évident que lorsque le corps physique ainsi que votre structure astrale, l'âme, n'est pas encore programmé pour que vous sachiez, pour que l'âme sache que vous savez, bien, quand la conscience de l'âme se cherche, elle dit « Oui, mais je ne sais rien. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça m'arrange pas. Oui, mais merde. Oh, puis finalement, je t'écœurerai. » Sauf que si tu conserves à l'idée « Vis encore 6 mois, 2 ans, 20 ans, tu seras un dieu. »« Oui, mais je m'en fous, moi, de... » Ça ne change rien. Reste en vie. Tu vas continuer à t'en foutre, mais tu vas rire de t'en foutre. Et tu vas réussir. L'humain doit conserver, il doit instruire son ego et conserver dans l'âme, dans l'astral, dans la mémoire, qu'il doit être en vie. Simple. Les armes tueuses, c'est un danger majeur chez toutes les races qui se conscientisent. Au Québec, on le sait par le taux de suicide. Mais ceux qui se conscientisent ici n'ont peut-être pas encore échappé à une arme tueuse. Si c'est réglé, il y a d'autres personnes avec qui on va vivre qui peuvent eux autres passer là. Sachez que la vie, c'est ce qui doit être conservé. C'est là qu'on va aller. Et ceux avec qui on va travailler ou ceux avec qui on va vivre, c'est la même chose. On doit conserver dans l'ego qu'on doit être en vie. Sinon, c'est très rester en vie au moins jusqu'à la deuxième partie. Entre-temps, je voulais vous faire des petits messages. Prochainement, le séminaire de Daniel ainsi que les cours contact sur l'ajusteur de pensée, comment contrôler son ajusteur. Pour ceux qui sont intéressés, il faut avoir des informations, des préposés à l'avant. Merci.